Également dans le cycle des émissions consacrées au théâtre de Jean Cocteau, veuillez écouter La Voix humaine, interprétée par Louis Comte, sociétaire de la Comédie-Française. Une chambre. Chambre sombre, avec un lit en désordre. Une chaise basse et une petite table. Téléphone. Livre, lampe. Devant le lit, par terre, une femme en longue chemise est étendue, comme assassinée. Elle se redresse, change de pose et reste encore immobile. Enfin, elle se décide. Se lève, prend un manteau sur le lit, se dirige vers la porte. Elle lâche le manteau et s'élance vers l'appareil. Allô? Allô? Allô? Mais non, madame, nous sommes plusieurs sur la ligne raccrochée. Allô, mademoiselle, allô? Mais non, 08, pas 07. Allô? Et on me demande, je ne sais pas. Allô, c'est toi? C'est toi? Oui. J'entends très mal. Tu es très loin, très loin. Allô? C'est affreux, il y a plusieurs personnes sur la ligne. Redemande. Allô? Redemande. Je dis, redemande-moi. Mais madame, retirez-vous, je vous répète que je ne suis pas ce numéro. Allô? Enfin, c'est toi. Oui, très bien. Allô? Oui. C'était un vrai supplice de t'entendre à travers tout ce monde. Oui. Non, c'est une chance, je rentre il y a 10 minutes. Tu n'avais pas encore appelé? Ah, non, j'ai dîné dehors chez Marthe. Il doit être 11h15. Tu es chez toi? Alors regarde la pendule électrique. C'est ce que je pensais. Oui, mon chéri. Hier soir, je me suis couchée tout de suite et comme je ne pouvais pas m'endormir, j'ai pris un comprimé. Non, un seul. À 9h. Oh, j'avais un peu mal à la tête, je me suis secouée. Marthe est venue, elle a déjeuné avec moi, j'ai fait des courses. Je suis rentrée à la maison, j'ai mis toutes les lettres dans le sac jaune, j'ai... Quoi? Très forte. Je te jure. J'ai beaucoup, beaucoup de courage. Après, je me suis habillée, Marthe est venue me prendre et voilà. Oui, je rentre de chez elle, elle a été parfaite. Très, très bonne, parfaite. Voilà 7h, mais elle ne l'est pas. Tu avais raison, comme toujours. Ma robe rose avec la fourrure. Mon chapeau noir. Oui, j'ai encore mon chapeau sur la tête. Non, je ne fume pas, je n'ai fumé 3 cigarettes. Si, c'est vrai. Si, si. Tu es gentil. Et toi, tu rentres? Tu es resté à la maison? Quel procès? Ah oui. Il ne faut pas te fatiguer. Allô? Allô, ne coupez pas! Allô, chérie? Allô? Si on coupe, redemande-moi tout de suite. Allô? Allô, non. Non, je suis là. Le sac. Ah oui. Tes lettres et les miennes. Tu peux le faire prendre quand tu veux. Un peu dur. Oh, je comprends. Oh. mon chéri, ne t'excuse pas, c'est très naturel et c'est moi qui suis stupide. Tu es gentil. Tu es gentil. Moi non plus, je ne me croyais pas si forte. Oh, il faut pas m'admirer, je bouge un peu comme une somnambule. Je m'habille, je sors, je rentre machinalement. Je serai peut-être moins brave demain. Toi? Mais non, mais mon chéri, je n'ai pas l'ombre d'un reproche à te faire. Mais très naturel, au contraire. Il a toujours été convenu que nous agirions avec franchise. J'aurais trouvé criminel que tu me laisses sans rien savoir jusqu'à la dernière minute. Le coup aurait été trop brutal, tandis que là, j'ai eu le temps de m'habituer et de comprendre. Allô? Quelle comédie? Qui? Que je te joue la comédie, moi? Mais tu me connais, je suis incapable de prendre sur moi. Mais pas du tout, pas du tout. Très calme. Tu l'entendrais. Je dis, tu l'entendrais. Je n'ai pas la voix d'une personne qui cache quelque chose. Non, j'ai décidé d'avoir du courage et j'en aurai. Permets, ce n'était pas pareil. Oh, c'est possible, mais on a beau se douter, s'attendre au malheur, on tombe toujours à la renverse. Ben, n'exagère pas, j'ai tout de même eu le temps de m'habituer. Tu avais pris le soin de me dorloter, de m'endormir. Bon, notre amour marchait contre trop de choses. Il fallait résister, refuser 50 bonheurs ou accepter le risque. Je n'ai jamais pensé que la vie s'arrangerait. Je paye cher une joie sans prix. Allô? Sans prix! Et je ne regrette rien, rien, rien. Mais tu te trompes. Tu te trompes, j'ai... Allô? Mais j'ai ce que je mérite, j'ai voulu être folle, avoir un bonheur fou. Chérie, écoute. Mais laisse-moi parler, ne t'accuse pas, tout est de ma faute. Si, si, mais... Souviens-toi du dimanche de Versailles et du pneumatique. Ah! Alors, c'est moi qui ai voulu venir, c'est moi qui t'ai fermé la bouche, c'est moi qui t'ai dit que tout m'était égal. Non. Non, là, tu es injuste. J'ai téléphoné la première. Non, le mardi. Un mardi. Oh, j'en suis sûre, un mardi 27. Ta dépêche était arrivée le lundi soir, le 26. Tu penses bien que je connais ces dates par cœur. Ta mère, pourquoi? Ce n'est vraiment pas la peine. Oh, je ne sais pas encore. Oui, peut-être. Oh non, sûrement pas tout de suite. Et toi? Je ne savais pas que c'était si rapide. Alors attends. C'est très simple, demain matin le sac sera chez le concierge, Joseph n'aura qu'à passer le prendre. Oh, moi, tu sais. Il est possible que je reste, comme il est possible que j'aille passer quelques jours à la campagne chez Marthe. Il est là. Il est comme une âme en peine. Hier, il passait son temps entre le vestibule et la chambre. Il me regardait, il dressait les oreilles, il écoutait, il cherchait partout. Il avait l'air de me reprocher de rester assise, de ne pas chercher avec lui. Je trouve que le mieux serait que tu le prennes. Si cette bête doit être malheureuse... Oh, moi, ça n'est pas un chien de femme. Je m'en occuperai mal, je ne sortirai pas. Il vaudrait bien mieux qu'il reste avec toi. Mais nous verrons. Nous verrons. Mais ça n'est pas bien compliqué. Tu n'aurais qu'à dire que c'est le chien d'un ami. Il aime beaucoup Joseph. Joseph viendrait le prendre, je lui mettrai le collier rouge. Il n'a pas de plaque. Mais nous verrons. Oui. Oui, mon chéri. Mais oui, mon chéri. Quel gant? Tes gants fourrés? Les gants qu'il y avait pour conduire la voiture? Je ne sais pas, je n'ai rien vu. Mais c'est possible, je vais voir. Tu attends! Ne te laisse pas couper! Allô? Allô? Non. J'ai cherché sur la commode, sur le fauteuil, dans l'antichambre, partout, ils n'y sont pas. Écoute, je vais voir encore, mais je suis certaine. Si par hasard on les retrouve demain matin, je les ferai mettre en bas avec le sac. Chérie. Les lettres. Oui. Tu les brûleras. Allô? Allô, je ne t'entends plus. Toi, tu m'entends? Non, non, non, raccroche pas. Allô? Mais je parle, mademoiselle, je parle. Ah, je t'entends. Je t'entends très bien. Oui. C'était désagréable. On croyait être mort. On entend et on ne peut pas se faire entendre. Non, très très bien. C'est même inouï qu'on nous laisse parler si longtemps. D'habitude, on coupe au bout de 3 minutes et on donne un faux numéro. Si, si. J'entends même mieux que tout à l'heure, mais ton appareil résonne, on dirait que ça n'est pas ton appareil. Je te vois, tu sais. Quel foulard? Le foulard rouge. Ah. Penché à gauche. Tu as tes manches retroussées. Ta main gauche, le récepteur. Ta main droite, ton stylographe. Tu dessines sur le buvard des profils, des cœurs, des étoiles. Tu ris. J'ai des yeux à la place des oreilles. Oh non, mon chéri, surtout ne me regarde pas. Peur? Oh non, je n'aurais pas peur. C'est pire. Enfin, je n'ai plus l'habitude de dormir seule. Oui. Oui. Oh, je ne sais pas. J'évite d'en me regarder. Je n'ose plus allumer dans le cabinet de toilette. Hier, je me suis trouvée nez à nez avec une vieille dame. Non, une vieille dame maigre avec des cheveux ignobles et une foule de petites rides. Oh, tu es bien bon, mais mon chéri, une figure admirable, c'est pire que tout, c'est pour les artistes. J'aimais mieux quand tu disais, regardez-moi cette vilaine petite gueule. Oui, cher monsieur. Moi, je plaisantais. Tu es bête. Heureusement que tu es maladroit et que tu m'aimes. Si tu m'aimais pas et si tu étais adroit, le téléphone deviendrait une arme effrayante, une arme qui ne laisse pas de traces, qui ne fait pas de bruit. Moi, méchante? Allô? Allô? Allô? Allô, chérie? Allô? Allô, mademoiselle, on coupe! Allô, c'est toi? Mais non, mademoiselle, on a coupé! Je ne sais pas! Ah, c'est-à-dire, si, attendez. Hauteuil 04,7. Merci. Allô, hauteuil 04,7? Ah oui, c'est vous, Joseph, c'est madame, on nous a coupé avec monsieur. Voilà. Oui. Oui. Il ne rentre pas ce soir. C'est vrai, je suis stupide. Monsieur me téléphonait d'un restaurant, on a coupé et je leur demande son numéro. Excusez-moi, Joseph. Merci. Merci bien. Bonsoir, Joseph. Allô? C'est toi. On avait coupé. Non, non, j'attendais, on sonnait, je décrochais, il n'y avait personne. Sans doute. Puis bon d'avoir téléphoné. Très bon. Non, je suis là. Quoi? Pardonne, c'est absurde. Rien, rien. Je n'ai rien. Je te jure que je n'ai rien. Mais rien du tout, tu te trompes. Le même que tout à l'heure. Seulement tu comprends, on parle, on ne pense plus qu'il faut le rester, raccrocher, retomber dans le vide, dans le noir. Alors. Écoute, mon amour, je ne t'ai jamais menti. Oui, je sais, je te crois, j'en suis convaincue. Non, c'est pas ça. Non, c'est parce que je viens de mentir. Tout de suite, là, au téléphone, depuis un quart d'heure, je mens. Alors, je sais bien que je n'ai plus aucune chance à attendre. Mais mortir ne porte pas la chance, puis. Je n'aime pas te mentir, je ne peux pas, je ne veux pas te mentir, même pour ton bien. Oh, mais rien de grave, mon chéri, ne t'ai fait pas. Seulement, je mentais en te décrivant ma robe et en te disant que j'avais dîné chez Marthe. Je n'ai pas dîné, j'ai un manteau sur ma chemise. Parce qu'à force d'attendre ton téléphone, à force de regarder la paille, de m'asseoir, de me lever, de marcher de l'eau en large, je devenais folle, folle. Alors j'ai mis un manteau, j'allais sortir prendre un taxi, me faire mener devant tes fenêtres pour attendre. Eh bien, attendre. Attendre, je ne sais quoi. Si. Je serai sage. Je t'écoute. Je répondrai à tout, je te jure. Ici. Oh, je n'ai rien mangé, je ne pouvais pas, j'étais très malade. Hier soir, j'ai voulu prendre un comprimé pour dormir. Je me suis dit que si j'en prenais plus, je dormirais mieux, que si je les prenais tous, je dormirais sans rêve, sans réveil, je serais morte. J'en ai avalé 12. Et j'ai eu un rêve. J'ai rêvé ce qui est. Je me suis réveillée en sursaut toute couronne parce que c'était un rêve. Et quand j'ai su que c'était vrai, que j'étais seule, que je n'avais pas ma tête sur ton cou et sur ton épaule et mes jambes entre tes jambes, j'ai senti que je ne pouvais pas. Que je ne pouvais pas vivre. Oh, légère. Légère et froide. Et je ne sentais plus mon cœur battre et la mort était longue à venir. Comme j'avais une angoisse épouvantable, au bout d'une heure, j'ai téléphoné à Marthe, j'avais pas le courage de mourir seule. Oh, je suis maladroite. Je m'étais juré de ne pas te donner d'inquiétude, de te laisser partir tranquille, de te dire au revoir comme si nous devions nous retrouver demain. On est bêtes. Si, si, bêtes. Ce qui est dur, c'est de raccrocher, de faire le noir. Allô? Je croyais qu'on avait coupé. Oui. Oui, parle, parle. Dis n'importe quoi. Je souffrais à me rouler par terre. Il suffit que tu parles pour que je me sente bien. Tu sais, quelquefois quand nous étions couchés, que je mettais de sa petite place avec mon oreille contre ta poitrine et que tu parlais. J'entendais ta voix exactement la même que ce soir dans l'appareil. Lâche? Mais c'est moi qui suis lâche! Je m'étais juré... Par exemple, toi, je... Tu ne m'as jamais donné du bonheur. Mais mon chéri, je le répète, ce n'est pas exact, puisque je savais. Je savais! Alors que tant de femmes s'imaginent passer leur existence auprès de l'homme qu'elles aiment et après la rupture sans préparatif... Je savais. Même je ne te l'ai pas dit, mais j'ai vu sa photographie dans un magazine. Sur la table, grand ouvert, la bonne page. Oh, c'est humain. Plutôt féminin. Parce que je ne voulais pas gâcher nos dernières semaines. Non, tout naturel. Ne fais pas meilleur que je ne suis. Allô? J'entends la musique. Je dis, j'entends de la musique. Ah ben, tu devrais cogner au mur et empêcher ses voisins de faire jouer des disques à des heures pareilles. Ils ont pris une mauvaise habitude parce que tu n'habitais jamais chez toi. C'est inutile. Du reste, le docteur de Maintes reviendra demain. Non, mon chéri, c'est un très bon docteur. Il n'y a aucune raison pour que je le blesse en faisant venir un autre. Mais oui. Mais oui, elle te donnera des nouvelles. Je comprends. Du reste, cette fois-ci, je suis brave. Moi aussi, mille fois mieux. Si tu n'avais pas appelé, je serais morte. Allô? Non! Attends! Attends. Trouvons un moyen. Oh, pardonne-moi, je sais que cette scène est intolérable, tu as bien de la patience. Comprends-moi, je souffre, je souffre. Ce fil, c'est le dernier qui me rattache encore à nous. Avant-hier soir, j'ai dormi. Mais j'ai dormi parce que c'était la première fois. Le docteur l'a dit, c'est comme une intoxication. Le premier soir, on dort. Et puis, la souffrance distrait, elle est toute neuve, on la supporte. Ce qu'on ne supporte pas, c'est la seconde nuit, hier. Et la troisième, ce soir, dans quelques minutes. Et demain, et après-demain, et des jours à faire quoi, mon Dieu? Mais j'ai pas de fièvre, pas la moindre fièvre, je vois juste. C'est parce que c'est un seul que j'aurais mieux fait d'avoir du courage et de raconter des mensonges. Et en admettant que je dorme. Après le sommeil, il y a les rêves et le réveil, et manger, et se lever, et sortir. Et aller où? Mais mon pauvre chéri, je n'ai jamais eu rien d'autre à faire que toi. Seul. Avant-hier, j'ai rencontré la personne dont le nom commence par S. Elle m'a demandé si tu avais un frère et si c'était lui dont on annonce le mariage. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? La vérité? Un air de condoléance. Moi, je t'avoue que je ne me suis pas éternisée, j'ai dit que j'avais du monde à la maison. Ne cherche pas midi à 14h, c'est très simple, les gens détestent qu'on les lâche. Et peu à peu, j'ai lâché tout le monde. Parce que je ne voulais pas perdre une minute de toi. Oh, complètement égal, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il faut être juste, notre situation est inexplicable pour les gens. Pour les gens, on s'aime, on se déteste, les ruptures sont des ruptures, regarde vite. Tu ne leur feras jamais comprendre. Tu ne leur feras jamais comprendre certaines choses. Le mieux de faire comme moi et de s'en moquer. Complètement. Non. Rien. Je parle. Je crois que nous parlons comme d'habitude et puis tout à coup la vérité me revient. Se faire des illusions. Oui. Mon amour. Mon cher amour. Je sais bien qu'il le faut. Mais c'est atroce. Jamais je n'aurai ce courage. Oui. Oui, on a l'illusion d'être l'un contre l'autre et brusquement on met des caves, des égaux. Une ville entre soi. Oui. Il faudrait que le bureau nous coupe par hasard. Oh, mon chéri, pour moi. Comment peux-tu imaginer que je pense une chose si laide? Je sais bien que cette opération est encore plus cruelle à faire de ton côté que du mien. Non. Non, non. Non. À Marseille. Écoute, chérie. Puisque vous serez à Marseille après-demain soir, je voudrais. Enfin, j'aimerais. J'aimerais que tu ne descendes pas à l'hôtel où nous descendons d'habitude. Tu n'es pas fâchée. Parce que les choses que je n'imagine pas n'existent pas. Ou bien elles existent dans une espèce de lieu très vague qui fait moins mal. Tu comprends? Alors voilà. Voilà. Là. Je vais dire machinalement à tout de suite. On ne sait jamais. Oh. C'est mieux. Beaucoup mieux. Mon cher. Oh, je suis brave. Dépêche-toi. Vas-y. Coupe, coupe vite, coupe. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dans le cycle des émissions consacrées au théâtre de Jean Cocteau, vous avez pu écouter La Voix humaine, interprétée par Louise Comte, sociétaire de la Comédie-Française.